درسنا اليوم بعون من الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله الصيام وأحكامه. Notre cours s'intitule Le jeûne et certaines de ses règles. الصيام لغة مصدر بمعنى الإمساك. الصيام dans la langue arabe signifie la retenue, le fait de s'abstenir de faire une chose, le fait de cesser de faire une chose. Naam, tu dis sama anil kalam idha kaffa an. Tu dis en arabe sama anil kalam, il a jeûné de toute parole s'il s'arrête de parler. Mafhoum, ça c'est le sens linguistique de ce terme. Tu dis sama al-hisan, donc un cheval qui avançait, qui marchait, s'il s'arrête, tu dis sama al-hisan. Pourquoi? Il est en train de faire une action qui était la marche, il s'est arrêté. Ça s'appelle as-siyam dans la langue arabe. Est-ce que nous avons des exemples dans le Coran? Dans sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dit, j'ai voué au tout miséricordieux sawma, un jeûne. Ay imsakan anil kalam. Wa dalilu dhalik al-qarinatu al-muttasila ay tatimmatu al-aya falan ukallima al-yawma insiya. J'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner. Que signifie de jeûner ici? C'est-à-dire de m'abstenir de toute parole. Quelle est la preuve de cette explication? La suite du verset. Je ne parlerai donc à aucun être humain. Donc le sens du siyam dans ce verset de sourate Maryam est l'abstinence de toute parole. Ça c'est le sens du siyam dans la langue arabe. Un siyam dans la langue arabe. Amma siyam shar'an, quant au jeûne dans la religion, ta'addadat ta'arif ahli al-'ilm. Wa yaqulu Sheikh Sulayman al-Rahili hamidahullah ta'ala wa ajma'uha wa afdaluha wa huwa ta'rif jami'un mani'un mufassalun mubayyanun. وهو التعبد لله تعالى التعبد لله تعالى من شخص مخصوص من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Donc le premier point de ce cours, le premier point de ce cours, de cette leçon, est la définition du siyam. La définition du siyam. Petit 1, as-siyam dans la langue arabe. Quel est le sens du siyam dans la langue arabe? El-imsak. C'est le fait de s'abstenir de faire une chose. Petit 2, quel est le sens du siyam dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Huwa ta'abbudu lillahi ta'ala. C'est une action par laquelle on adore Allah Ta'ala. C'est une action par laquelle on adore Allah Ta'ala. Cette action est faite par une personne particulière. On détaillera les conditions de cette personne. Bil imsak 'an al-mufattirat. En quoi consiste cette action? On fait quoi? On s'abstient de faire tout ce qui annule le jeûne. on s'abstient de faire tout ce qui annule le jeûne. Dans quel moment de l'apparition de l'aube au coucher du soleil? Au coucher du soleil. Revenons sur cette définition. Premièrement, c'est le fait d'adorer Allah Ta'ala. Celui qui jeûne en s'abstenant de manger, de boire et ainsi de suite, qui est musulman, qui a la raison, qui est plus belle, et qui fait cela du Fajr au Maghrib, mais qui ne fait pas ça pour adorer Allah. Il fait cela par exemple pour la santé, pour des raisons de santé, car il sait qu'en jeûnant, il y a beaucoup de bien fait sur la santé, sur l'estomac et autres. Ou bien il jeûne pour faire un régime, pour perdre du poids. Pour perdre du poids. Cette personne, on ne dit pas d'elle qu'elle a jeûné un jeûne shar'i. Cette personne n'a pas fait siyam. C'est-à-dire n'a pas fait siyam en islam. Parce qu'en islam, la définition du siyam en premier lieu, c'est at-ta'abbudu lillahi ta'ala. C'est l'adoration. Celui qui jeûne par habitude, celui qui jeûne pour perdre du poids, celui qui jeûne par ostentation, bien que c'est rare, comme le dit Cheikh Souleyman Habibullah Ta'ala dans le Sharh de Manar al-Sabil. Celui qui jeûne pas pour se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en islam, on n'appelle pas ça as-siyam. C'est-à-dire que ça n'est pas un saut shar'i. Voici la première partie de la définition. At-ta'abbudu lillahi ta'ala. Ceci fait référence à l'intérieur, à l'intention. Deuxièmement, min shakhsin mahsous. C'est une adoration vouée à Allah par une personne particulière. Min shakhsin mahsous. Hada wasfun lil fa'il. Ici, on nous décrit l'acteur. On nous décrit celui qui fait cette adoration. Et ça fait référence en réalité à qui, comme on le verra plus tard, Inch'Allah Ta'ala, alladhi tawaffarat fihi shurut wujub shahr as-siyam. Wujub as-siyam. Shurut wujub as-siyam. Qui est cette personne particulière? C'est celui qui a réuni sur lui les conditions d'obligation du jeûne. Les conditions d'obligation du jeûne. Ou shurut as-siha. Ou les conditions d'authenticité du jeûne. Et de dire la deuxième parole, c'est plus général. C'est mieux de dire shurut as-siha. Entre dans cela, tous ceux dont le jeûne est valable et tous ceux dont le jeûne est obligatoire. Quelle est la différence entre les deux? As-sabi al-mumayyiz, par exemple. L'enfant qui n'a pas atteint la puberté. Il entre dans ceux qui ont shurut as-siha, les conditions d'authenticité ou les conditions d'obligation? D'authenticité. Mais est-ce que c'est obligatoire pour lui? Non, mais il a fait un siyam shara'i. Ça, il a fait un siyam shara'i. Donc, min shakhsin mahsous alladhi tawaffarat fihi shurut as-siha. Celui sur lequel les conditions d'authenticité du jeûne se sont réunies. Et on étudiera cela inshallah ta'ala prochainement. Comme l'islam al-aql al-tamyiz, n'am al-niyya, comme le fait d'être musulman, le fait d'avoir atteint l'âge du discernement, le fait d'avoir la raison, et ainsi de suite. Donc ici, on nous décrit quoi? On nous décrit l'acteur, celui qui fait as-siyam. Et ainsi, on voit l'excellence de ce ta'rif, de cette définition. N'am, et le niveau des ulama de l'Ahl Sunnah. Bil imsaki anil mufattirat. Hada wasfun lil fi'l. Ici, on nous décrit l'action à faire. C'est une adoration, certes, mais ça consiste à faire quoi? Al-imsak. Al-imsak an mada? Faqad ra'ayna bi anna al-siyam lughatan wa al-imsak. Hada am. Lakin fi shar' huwa imsakun makhsus. Al-imsak an mufattirat. Ici, on nous décrit l'action à faire pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal dans cette adoration. Donc, une adoration vouée à Allah par une personne particulière, celui qui a réuni sur les conditions d'authenticité du jeûne, qui consiste à s'abstenir de commettre tout ce qui annule le jeûne. On appelle ça al-mufattirat. Ce sont les choses qui, lorsqu'elles sont commises, sous certaines conditions, annulent le jeûne. Annulent le jeûne. Sous certaines conditions, on expliquera cela, Inch'Allah ta'ala, comme la science, comme le fait de faire l'action volontairement, comme le fait de ne pas être contraint. Wa hakada. Min tulu' al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. Hada wasfun liz-zaman. Puis on nous décrit le moment dans lequel cette adoration devra avoir lieu pour qu'elle soit authentique et acceptée chez Allah. Et tout cela de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. En d'autres termes, du fajr, qu'on appelle aussi le subh, jusqu'au maghrib, qui est marqué par le coucher du soleil. هذا أحسن التعارف. Voici la meilleure des définitions. فهو جامع مانع مفصل. Il réunit tout ce qu'il faut et rejette tout ce qu'il ne faut pas ou tout ce qui n'y entre pas, et c'est clairement détaillé. فلا بد في الصيام الشرعي من نية. Donc il faut absolument dans le jeûne religieux une intention. L'intention d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Après avoir vu ici, on va citer d'autres exemples pour éclaircir encore plus cela. Si une personne musulmane, ayant la raison, étant pubère, jeûne pour Allah tabaraka wa ta'ala, et commence son jeûne avant le fajr, et après la prière du Asr, rompt son jeûne, elle boit de l'eau, ou mange, ou commerce avec son épouse, est-ce que cette personne aura fait ce siyam? Oui ou non? Non, pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas fait ça pour Allah? Si. Est-ce que il n'entre pas dans les conditions d'authenticité? Est-ce que est-ce qu'il a commis une chose qui annule? Est-ce qu'il n'a pas fait cela dans le temps qu'il fallait? Explique-nous cela. Il y a un problème dans les tibas ici. De quel point de vue? Comment? Il a coupé avant le maghrib. Donc il lui manque une partie de la définition, laquelle? Min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. Du fait qu'il a rompu son jeûne avant le temps légiféré, il n'a pas de jeûne. Ça n'est pas un siyam shar'i, parce qu'il a arrêté avant le maghrib, avant ghurub ash-shams. Donc il faut que tout ce qui a été cité ici dans cette définition soit réuni pour que ce soit un jeûne reconnu en religion, un jeûne shar'i. Deuxièmement, هذا الشهر اسمه شهر رمضان. Deuxièmement, le nom de ce mois. Il se nomme Ramadan. Cela est cité dans le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Selon là également cité dans Sunnah. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. حديث البخاري مسلم selon أبي هريرة رضي الله عنه. ورمضان هو الشهر التاسع من الشهور القمرية. Le mois de Ramadan est le neuvième mois de l'année lunaire. Ma bayna sha'ban wa shawwal. C'est le neuvième mois de l'année lunaire. Il y a 12 mois. Il y a 12 mois lunaires. Naam. Le neuvième mois de l'année se nomme Ramadan. Il se trouve entre le mois de Sha'ban, celui dans lequel nous sommes, et le mois qui vient après le mois de Ramadan se nomme le mois de Shawwal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man sama Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min ash-Shawwal kana lahu kasiyam ad-dahr. Celui qui jeûne le mois de Ramadan puis fait suivre cela de 6 jours de Shawwal aura la récompense d'avoir jeûné toute sa vie. Naam. Wa hal li hadha ash-shahr ism afwan wa hal li hadha ash-shahr ou l'ism hadha ash-shahr ma'na? Et est-ce que ce nom a un sens voulu ou bien c'est un nom juste pour différencier, distinguer Ramadan des autres mois? Ou plutôt c'est un nom qui a un sens voulu? Ou plutôt c'est un nom qui a un sens voulu? Non. Par exemple, Al-Harith, c'est un prénom. Il a un sens. C'est le cultivateur. D'accord? Mohammed a un sens. Alladhi yuhmadu li kathrati khiswali al-hamida, celui qui est loué de par ses nombreuses qualités. Il fait beaucoup de bien, donc on fait beaucoup ses éloges. Ibrahim a un sens. Wal abu rahim, c'est le père qui a beaucoup de pitié. Naam, il y a des mots qui ont un sens. Renfermé, voulu. C'est-à-dire, on a appelé comme ça, on vise le sens. Et des fois, on cite un nom comme ça. Juste pour le distinguer d'un autre. On a plusieurs enfants, on appelle un tel de cette façon, un tel d'une autre façon, pour les distinguer. Sans viser peut-être un sens, et peut-être que le nom n'a pas de sens voulu. Les savants divergent quant à cela. Qila summiya bi Ramadan li Ramadi jawfi sa'im. Il fut dit que Ramadan a été appelé ainsi de par la chaleur de l'œsophage ou de la gorge du jeûneur lorsqu'il est assoiffé. Naam. Al-Ramba, ou plutôt Al-Ramad, c'est yani, tout ce qui est les cendres. Naam. Et ça a une notion de chaleur. Ça a une notion, une connotation de chaleur. Donc il fut dit que ça a été appelé ainsi. Les Ramadijaw fi sa'im, ay li shiddati 'inda shiddati 'atashihi. Lorsqu'il est assoiffé, et il y a une chaleur, na'am, dans sa gorge. Donc il fut dit que Ramadan a été appelé ainsi pour cette cause. Wa qila min ar-Ramda. D'autres ont dit, ça a été appelé ainsi en faisant référence à ar-Ramda allati tuhriq. Na'am, wa hiya shiddatu al-har fi adh-dhuhr. Ar-Ramda, donc lorsque tu sors dans une plaine au moment du dhuhr et que tu marches sur le sol, qu'est-ce qui se passe à l'heure du dhuhr? Na'am, il fait très chaud, si tu marches pieds nus, tu vas te brûler les pieds. Dans la péninsule arabique, au dhuhr, tu ne sors pas dehors. Si ce n'est pour la salat, tu ne croises personne dehors. C'est un moment où il fait extrêmement chaud. Et celui qui marche pieds nus va se brûler les pieds. Fakadalika shahru ramadan tuhriq yuhriq al-dhunub yuhriq dhunub as-sa'imin likathrati ta'abbudihim lillah bis-siyam wal-qiyam wal-infaq wal-khayrat. Donc il fut dit que ça a été appelé Ramadan et que c'est relatif à cette notion. Pourquoi? Car quel est le lien? Car durant le mois de Ramadan on brûle tes péchés de par ton état d'adoration et d'avilissement devant Allah tabaraka wa ta'ala. Tu jeûnes la journée, tu pries la nuit, tu dépenses de ce que tu aimes, tu fais le bien autour de toi, tu améliores ton comportement, tu purifies ton cœur, tu cherches l'agrément d'Allah azza wa jalla, tu redoubles d'efforts. Et après tout cela, tu as peur qu'Allah n'accepte pas cela de toi. Et tu l'invoques pour qu'il accepte cela de toi. Dans cet état-là, Allah Azza wa Jalla t'efface tes péchés. Donc il fut dit que ça a été appelé Ramadan pour cette sagesse. Donc Ramadan brûle les péchés et les fautes de ceux qui le jeûnent et le prient. Wa qila huwa ismun ghayru maqsoud Inimana. Et d'autres ont dit tout simplement que c'est un nom parmi les noms, il n'a pas été donné en recherchant à travers cela son sens, mais plutôt pour distinguer un moi d'un autre. Thalithan, hukmu siyami shahri Ramadan. Après avoir vu, en premier lieu, le sens de As-Siyam dans la langue arabe et dans la religion, puis avoir vu le nom de ce mois et les sens évoqués par les gens de science, nous voyons ici, troisièmement, Hukmu Siyam Shahri Ramadan, le jugement du jeûne du mois de Ramadan. الحكم بلا شك بلا شك هو الوجوب. Son jugement sans aucun doute, comme nous le savons tous, c'est l'obligation. بدليل القرآن والسنة وبدليل ثم بدليل الإجماع القطعي الذي من أنكره خرج من الدين عياذا بالله. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Et la preuve de cela se trouve dans le Coran, qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la Sunnah, qui est la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, révélée par Allah. Puis, selon le consensus des savants, mais également de l'ensemble des musulmans. Un consensus qui n'accepte aucun doute à un point tel que celui qui renie l'obligation du jeûne du mois de Ramadan sort de l'islam, al-iyadu billah. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله nous dit dans son livre, dans سورة البقرة, le verset 183, un verset dont la traduction des sens est: ô vous qui avez cru, il vous a été écrit, c'est-à-dire enjoint, ordonné, prescrit, kutiba ay furida, il vous a été rendu obligatoire le jeûne, as-siyam, tout comme il l'avait été pour les générations antérieures, ceux qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété, la'allakum tattaqun, ay li ajli an tattaqullah, afin que vous craigniez Allah. Ici on nous cite la sagesse du jeûne de Ramadan. Non. Aussi, deux versets après, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُ. Celui donc qui témoigne de ce mois, c'est-à-dire de la nouvelle lune, non, dans le cas où on la voit, sinon qu'on complète 30 jours de Sha'ban, qu'il le jeûne. Qu'il le jeûne. فَلْيَصُمْهُ هَذَا أَمْرَ وَقَالَ الْأُصُولِيُّونَ عُلَمَا أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous dit sur la traduction des sens: celui donc qui témoigne de ce mois, qu'il le jeûne. Qu'il le jeûne, c'est un ordre. Qu'il le jeûne, c'est un ordre. Et les savants ont dit, lorsqu'on nous donne un ordre, ça nous indique que c'est une obligation. Ça nous indique que c'est une obligation. Sauf s'il y a une preuve, un indice, qui fait descendre cette obligation au niveau de la recommandation, du caractère recommandé. Wal-wujub, ou bien, qabla dhalik, يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم. نعم. إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم صيام رمضان أو فرض صيام رمضان عليكم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, comme le rapporte Abu Huraira رضي الله عنه: certes Allah vous a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Certes Allah vous a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ احْتِسَابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخرجه النسائي وأحمد والشيخ أحمد شاكر حسنه. نعم. أو صححه. نعم. الشيخ أحمد شاكر قال هو صحيح. قال آخرون بل حسن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes Allah tabaraka wa ta'ala vous a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Et je vous ai indiqué comme sunnah le fait de prier ces nuits. Celui donc qui le jeûne et prie, donc jeûne le jour et prie ses nuits, en espérant la récompense chez Allah, sortira de ce mois comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Et un jour, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ya Rasulallah, ma yajibu alayya min as-siyam. Ô message d'Allah, qu'est-ce qu'il m'incombe en matière de jeûne? Cite-moi ce qu'il m'est obligatoire de jeûner. Et il lui a dit, shahru ramadan, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, le mois de ramadan. Qala awa alayya ghayru. Puis il lui a dit, est-ce que je dois jeûner de manière obligatoire autre que cela? قال لا إلا أن تطوع. Il lui a dit non, sauf si tu le fais de plein gré. C'est-à-dire sauf si tu veux faire des actions recommandées en plus de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. رابعا petit 4 منزلته من الدين. Quelle est sa place dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Après avoir vu en troisièmement, le jugement du jeûne du mois de Ramadan qui était l'obligation. Voyons maintenant, en quatrièmement, quelle est la valeur, la place dans l'islam du jeûne du mois de Ramadan. فَإِنَّ مَنْزِلَتُهُ عَالِيَةً سَامِيَةً أَوْ سَمِيَةً. Naam, car certes, la place du jeûne du mois de Ramadan en islam est incommensurable. Elle est élevée à un point qu'on ne peut imaginer. Et les nombreux hadiths qu'on pourra se rappeler, Inch'Allah Ta'ala, quant au mérite, et les textes, nous font apparaître cela d'une manière très évidente. Et combien de secrets de ce jeûne et de ce mois béni se trouvent auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amma manzilatuhu fil Islam. فإنه ركن من أركان الإسلام وركن الرابع من أركان الإسلام. Quant à sa place en islam, c'est le quatrième pilier de l'islam, un des grands fondements de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ندي j'ai entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dire: l'islam repose sur cinq, c'est-à-dire cinq grandes fondations. Naam. Le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, si ce n'est lui, et que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône, le pèlerinage, et la zakat, et le jeûne, dans une autre version, le jeûne et le pèlerinage à la maison sacrée. Et dans le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, rapporté par l'imam muslim, le hadith connu sous l'appellation de Umm Sunnah ou bien Hadith Jibril, Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous dit: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجب له يسأل ويصدقه الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجالة كنو زيتو أسي أنجو عن كمباني في مساجد الله صلى الله عليه وسلم. C'est alors que soudainement est apparu un homme avec les cheveux très noirs, vêtu d'un vêtement blanc étincelant. Il s'approcha du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au point de se mettre auprès de lui, de coller ses genoux à ses genoux et de mettre ses mains sur ses cuisses. Puis il a dit au Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, l'islam consiste à attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, si ce n'est lui, et que Muhammad est le messager d'Allah. D'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, le mode, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as la capacité. L'homme lui dit, tu as dit vrai. Nous étonnâmes. Il pose la question et acquiesce derrière. Donc, l'islam repose sur cinq grands fondements. Sur cinq grands fondements. Et parmi ces fondements, Siyam ou Shahr Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Si tu comprends que l'islam est tel un édifice, et que dans cet édifice, et qu'une partie de cet édifice, une partie de ses piliers qui maintient ce grand édifice, et le jeûne du mois de Ramadan, tu comprends son importance. Tu comprends son importance. Car une maison, lorsque tu détruis un pilier, il s'en faut de peu pour qu'elle ne s'écroule. N'est-ce pas? Donc, le mois de Ramadan, voici son importance en islam. Le jeûne du mois de Ramadan, voici son importance en islam. Et s'il en est ainsi, chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala, il nous faut étudier ces règles. Il nous faut connaître ce qui nous est obligatoire, ce qu'on doit délaisser, ce par quoi on va avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, ce par quoi la personne peut annuler son jeûne et se voir rejeter chez Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Quand? Comment? Mais est-ce que nous n'avons pas le droit de faire? Quand? Pourquoi? Qui est excusé? Qui n'est pas excusé? Qui a l'obligation de jeûner? Qui ne doit pas jeûner? Qui n'a pas le droit de jeûner? Non. Quelles sont les choses recommandées? Comment faire pour que notre jeûne soit accepté chez Allah? Comment avoir le plus de hasanat possible? Toutes ces choses, non, tous ces points sont des points que nous devons étudier. Tous ces points sont des points que nous devons étudier. Ikhwan al-kiram. لأننا ما خلقنا إلا لأجل ذلك. Car nous n'avons pas été créés sinon pour adorer Allah Azza wa Jal. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين. Et l'adoration n'est point acceptée chez Allah Azza wa Jal si ce n'est avec deux conditions. الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. La sincérité envers Allah تبارك وتعالى est suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعلم إلا بالتعلم. Et cela ne peut être compris ni connu si ce n'est avec l'apprentissage. Et comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, وإنما العلم بالتعلم. Et l'apprentissage vient. Et la science vient avec l'apprentissage. Et tout comme il nous dit également, l'étude de la science est une obligation pour chaque croyant. Pour chaque croyant. On marque une pause pour une chose qui nous est également obligatoire. Transmettre l'islam. Inviter les gens à cet islam. Exposer l'islam à l'ensemble des gens. Et lorsque quelqu'un nous vient, désireux, désirant savoir ce qu'est l'islam, nous n'avons pas d'autre choix si ce n'est lui transmettre ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a facilité. Et j'accueille à ma gauche, comment est-ce que tu t'appelles? Vando, est-ce que tu peux venir à mes côtés? Prends. Donc notre frère Amin nous a informé de ta venue et s'est permis de couper notre cours car je lui avais dit de le faire. Son comportement lui aurait interdit cela, bien évidemment. Et il nous a dit que tu souhaitais savoir ce qu'est l'islam et que tu étais intéressé par l'islam et tu désirais embrasser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de laquelle il n'y a nulle autre religion acceptée chez lui. Pour répondre à tes attentes, je te dis Et beaucoup de ceux qui sont là sont autant à même que moi de le faire. Que l'islam sache que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion de notre maître, notre Seigneur, celui qui nous a créés à partir de rien. Celui qui nous a tout donné. Celui qui nous a comblés de ses nombreux bienfaits. Des choses que nous connaissons et des choses que nous ignorons. Il nous a donné de tout ce que nous avons demandé, nous n'avons pas demandé. Il nous donne avant que nous lui demandions. Et lorsqu'on lui demande, il nous donne plus que ce que nous attendons. Et après nous avoir donné, il nous redonne chaque jour. C'est le seul que nous adorons car c'est notre Créateur, c'est notre Maître, c'est notre Seigneur. Celui duquel nous espérons le pardon pour l'ensemble de nos péchés. C'est celui duquel nous attendons la guider chaque jour. Celui vers lequel nous allons retourner après la mort, celui qui nous a créé à partir de rien, plus qui nous fera mourir et nous ressuscitera à nouveau pour nous juger. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et pour te décrire ton Seigneur et le nôtre, nous ne trouvons pas plus parfait et complet que de décrire Allah avec ceux qu'il s'est décrit dans le Coran. Il nous dit, selon la traduction des sens de ces versets, dit c'est une divinité unique. Le seul vers lequel nous devons nous diriger dans toutes nos affaires est celui qui a la perfection absolue. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Et il n'a aucun égal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui, lorsqu'il veut une chose, il dit soit et allez. C'est Rafir al-Dham, Qabil al-Taw. C'est le pardonneur des péchés. Le grand accueillant repenti, c'est celui qui nous adore. C'est le seul qui mérite d'être adoré. ذلكم الله ربكم له الملك أو خالق كل شيء. Voici Allah, votre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Allah nous dit également dans son livre: هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Dit c'est Allah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de lui. Le savant des choses de l'invisible et des choses présentes. Wa Rahman Rahim. C'est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wa Wal Latif Al Khabir. C'est celui qui connaît tout et qui est parfaitement connaisseur de toutes choses. Wa Wa Arham Al Rahimin. Wa Khair Al Hakimin. C'est celui qui a le plus de pitié, c'est le plus sage. C'est le plus véridique. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. C'est celui qui t'a comblé, nous a comblé de par l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et pour que tu adores ton Seigneur, sache qu'Allah ne t'a pas laissé ainsi, sans guider, sans modèle. Bien au contraire, il t'a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier prophète et messager qui se nomme Mohammed, c'est le messager d'Allah. Il a reçu la révélation, un livre qu'on nomme le Coran. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dedans, il y a la guide et la lumière. Il nous est venu, ce prophète nous est venu avec le Coran. Et il nous a enseigné le chemin qui menait à l'agrément d'Allah. Celui qui le suit recevra tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Voici celui que nous adorons. Et voici le seul qui mérite l'adoration. Et la seule religion qu'Allah Azza wa Jalla agrée, c'est l'islam. Et l'islam signifie la soumission à Allah, d'un culte sincère, en le reconnaissant comme étant le seul créateur, le seul maître, le seul gérant. Le seul à avoir la perfection absolue dans tous ses noms, tous ses attributs. Le seul donc que nous adorons. Ça c'est l'islam. Et le musulman, il se soumet à Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Il adore lui et n'adore lui autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, de par sa grande miséricorde, a envoyé des prophètes et messagers qui se sont succédés, en commençant par Noé et Nuh, alayhi salam. Il y a eu également Houd et Salih. Il y a eu également Shu'aib. Il y a eu également Ibrahim et Lot. Il y a eu beaucoup de prophètes et messagers qui se sont succédés. Il y a eu Daoud, Suleyman, Yusuf, Yunus, beaucoup de prophètes et messagers. Et parmi les derniers, il y a eu Moussa, alayhi salam. Il y a eu Isa, donc Moïse et Jésus, alayhi salam. Et le dernier d'entre eux se nomme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois croire en tous les messagers et prophètes dont tu as eu connaissance, et tout particulièrement au dernier prophète et messager qui se nomme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons en tous ces prophètes et on ne fait aucune distinction entre eux. La nufarriqu bayna ahadin min. On ne fait aucune distinction entre eux. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. On ne fait aucune distinction entre tous ces messagers, les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci étant dit, comment entrer en islam? Celui qui est désireux d'entrer en islam doit prononcer ce qu'on appelle l'attestation de foi. L'attestation de foi est le fait de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » J'atteste et je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Et j'atteste et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Tu dois donc reconnaître que la seule divinité qui mérite d'être adorée est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois l'adorer lui seul et dire et reconnaître dans ton cœur qu'aucune autre divinité ne mérite l'adoration. Ceci est car Allah est la vérité, ce qu'ils invoquent et adorent en dehors de lui ne mérite pas cela. Puis, la deuxième partie du témoignage consiste à reconnaître la prophétie du dernier prophète et messager qui se nomme Mohammed. C'est un serviteur, on ne l'adore pas, mais c'est le messager d'Allah. On croit en lui, on le suit, on lui obéit. Et il n'y a pas de chemin qui mène à l'agrément d'Allah Azza wa Jal si ce n'est le sien. Et Allah nous dit dans le Coran, Muhammadur Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Voici ce à quoi nous t'invitons. On t'invite à sortir de la servitude et de l'avilissement de la créature devant la créature vers la vasteté de la soumission de la créature devant le Créateur et le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qu'est l'islam. Si tu as compris tout cela, je t'invite à aller vers Allah tabaraka wa ta'ala et accomplir le plus grand repentir qui soit. Le fait de sortir de ce dans quoi tu es vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Es-tu prêt pour cela? Oui. Alhamdulillah. Waffaqana Allah wa iyyak. Donc je vais te dicter l'attestation de foi et te la faire répéter. Tu répètes après moi ces dires et avec cela tu entres de plein gré en islam. Ashhadu Ashhadu Alla Alla Ilaha Ilaha Illallah Ilaha Illallah Illallah Wa ashhadu Wa ashhadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a guidé notre frère à l'islam, et sans la grâce duquel aucune bonne action ne peut se concrétiser. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes les louanges et toutes les éloges lui reviennent de droit du fait qu'il nous ait guidés et été guidés à l'islam. Félicitations. Et on t'annonce la bonne nouvelle que celui qui entre en islam, Allah lui efface ses fautes passées. Et notre frère et ton frère Amin, Hamidallah Ta'ala, va t'expliquer comment faire le lavage, les ablutions et la purification pour accomplir la prière et ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Waffaqak Allah. S'il y a une autre. S'il y a une autre personne qui souhaite questionner sur l'islam ou embrasser l'islam, nous sommes au service d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui transmettre ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité, ce par quoi il nous a comblé. وهذه اللحظات نحتسبها عند الله. Et ces instants qu'on passe ensemble, on les espère chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et on espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la récompense pour toutes ces heures qu'on a passées ensemble depuis qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis ces assises auprès de nos frères bien-aimés. Et innama al-a'malu bin-niyyat. L'action, les actions ne valent que par leurs intentions. Et tous ces moments-là, toutes ces paroles, tous ces instants, tout ce temps donné, tous ces déplacements, wallahi ikhwani, si on ne les donne pas pour Allah, on n'aura aucune récompense chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et si on ne se déplace pas pour Allah et si on ne parle pas pour Allah, on n'aura aucune récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit craindre qu'Allah Azza wa Jal rejette nos actions, car on ne mérite pas l'élévation de par nos nombreux péchés, ou l'élévation à travers le nom ou la couleur ou le rang social ou autre, mais plutôt fadlan min Allahi wa ni'ma, c'est plutôt une grâce de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et un bienfait. أن هدانا إلى هذا الدين القويم. Du fait qu'il nous a guidés à cette religion, qu'il a choisi agréé pour ses serviteurs. Et celui qui finit sur l'islam, قطعًا هو من أهل الجنة. Et celui qui finit ses jours sur l'islam, il ne fait aucun doute qu'il fait partie des gens du paradis. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحبنا للتوحيد والجلوس لدراسته أن يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لنا ولوالدينا وأن يجمعنا معهم في الجنة ويتقبل منا صالح الأعمال وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يسر لنا صيامه وقيامه. Poursuivons notre cours. Vous m'excuserez, je suis sujet à des allergies. C'est pour cela que je me mouche beaucoup. Hafizakumullah. أين وقفنا؟ نعم. قلنا إن منزلة صيام شهر رمضان عالية عظيمة. La place du mois de Ramadan a la plus grande importance en Islam, c'est un des piliers de l'Islam. خامسا, cinquièmement, أحكام الصيام المختلفة. Cinquièmement, les différents jugements relatif au jeûne, c'est-à-dire en dehors du jeûne du mois de Ramadan, il y a plusieurs jeûnes, n'est-ce pas? Quel est le jugement des autres jeûnes? Naam, est-ce que vous avez compris la mas'ala? Yani, par exemple, le fait de jeûner le lundi et le jeudi, quel est le jugement de ces deux jeûnes-là, de ces deux jours? C'est mandoub, c'est mustahab, n'est-ce pas? Ça, c'est un des jugements. Al-istihbab. D'accord? Quel est le jugement de jeûner à Ramadan? Al-wujub, l'obligation. Ça, c'est un deuxième jugement. Wahakara. D'accord? Donc, il y a différents jugements selon le type de jeûne. Qala ahlul ilm, as-siyam yadkhulu fihi al-ahkam at-taklifiyya al-khamsa. Les gens de science ont dit que le jeûne du mois de Ramadan, pardon, que le jeûne est sujet aux cinq jugements. Qu'est-ce qu'on appelle al-ahkam at-taklifiyya? Les jugements qui incombent, yani par lesquels on juge l'action du serviteur. Naam. Toi, tu es là, tu as une responsabilité. Chaque action ne sort pas de ces cinq choses-là. Soit, al-wujub, premièrement, ça c'est étudié dans Usul al-Fiqh, la science de Usul al-Fiqh, ça s'appelle al-ahkam al-taklifiyya. Il y en a cinq. Premièrement, al-wujub, l'obligation. Que signifie al-wujub? Al-wujub, huwa ma amara bihi shari' amran jaziman, la ala sabil al-takhyir. ولغتان هو الإلزام والسقوط السقوط ثم نعم السقوط واللزوم طيب الوجوب l'obligation dans la langue arabe c'est quoi c'est le fait de tomber et d'observer son endroit d'accord Allah nous dit dans le Coran en parlant de la bête à sacrifier فَإِذَا وَجَبَتْ Vous reconnaissez quel terme? Al-wujub, l'obligation. On parle de la bête à sacrifier. La bête, on la met debout, al-ibil. Le chameau, on le met debout, on lui attache une patte, et on lui fait ce qu'on appelle al-nahr. On lui rentre une dague, ou le couteau ici, à cet endroit. Naam. Comment est-ce que cela s'appelle? On va dire au bas du cou. Naam. Si vous avez un terme plus adéquat, Comment? La trachée? Comme vous dites, Antum Adra. Naam, vous connaissez mieux la langue que moi. Donc, on lui yani bismillah et on entre la dague ou le couteau en bas du cou du chameau. Que se passe-t-il? On le lâche. Que se passe-t-il? Naam, il tombe. Il avait une patte accrochée, n'est-ce pas? Donc il tombe ainsi. Vous suivez? فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا Lorsque le chameau tombe, d'accord? Il meurt, n'est-ce pas? Que se passe-t-il donc par la suite? أَلْوُزُوم Il reste à sa place. Est-ce que vous avez compris le sens de l'al-wujub dans la langue arabe? أَلْسُقُوت Le fait de tomber et de maintenir sa place. Avec ce verset, je pense que c'est très explicite. Naam, de parler au sens de ce Coran. Donc al-wujub L'oratel, nous avons compris. Quant au wujub shara'an, ulama al-usul ont défini al-wujub en disant Ma amara bihi shari'a, c'est ce que le législateur a rendu obligatoire. Qu'est-ce qui légifère? Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika. Naam. C'est ce que le législateur a rendu obligatoire. De manière ferme. C'est-à-dire, on ne te dit pas, si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu le délaisses. Non. On te dit, fais cela. Wa aqimu salat. Accomplissez la prière. Wa, avant ça, wa abdullah, wa la tushriku bihi shay'a. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Naam. Wa bil walidayni ihsan. La bienfaisance envers les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Tout ça, c'est des ordres. D'accord? Et les savants du Usul disent, lorsqu'il y a un ordre, ça veut dire que c'est obligatoire. Non? Donc c'est ce que le législateur nous a rendu obligatoire de manière ferme. C'est-à-dire, sans nous laisser le choix, entre parenthèses. C'est-à-dire le choix, sans laisser le choix, ça veut dire quoi? On ne t'a pas occulté ta volonté. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a dit, si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu ne le fais pas? Non. En cela, les savants disent, la ala sabili takhir. Tahir, khiyar, c'est le choix. Non pas en lui disant, tu as le choix. Est-ce que la définition est comprise? Tahir. Certains savants définissent al-wujub par les fruits, en disant, ce sont les choses qui, si le serviteur les fait, en espérant la récompense chez Allah, il se voit récompensé. Et s'il les délaisse, il mérite une punition. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est aussi une définition du wujub. Mais la première définition, c'est ce qu'on appelle bil-hudud, bil-had. C'est la définition propre. Ça, c'est une définition par les effets. Par les effets. Il y a plusieurs types de définitions. Il y a la définition bil-mithal, par exemple. Tu me dis, c'est quoi un homme? Je dis, un homme, c'est ça. Voilà. Ça, tu définis par exemple. Ou par son contraire. Non? Taïe. Dans le jeûne, certains types de jeûnes, certains jeûnes sont wajiba. Le jugement, c'est al-wujub. On appelle cela al-wujub. Et ce wujub est de deux types. Ma wajaba bi asli shara. Ay bi ijab Allah azza wa jal ibadahu. Bi ilzam Allah azza wa jal ibadahu. Premièrement, al-wujub. Et le wujub, il y a deux cas dedans. Le premier, ce qui nous est obligatoire, car Allah l'a rendu obligatoire à ses serviteurs. Est-ce que c'est compris? C'est obligatoire à la base dans le din, parce qu'Allah nous l'a rendu obligatoire. Quelle est cette obligation? Siyam shahr Ramadan. Waffaqana Allah wa iyyakum. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est obligatoire. Est-ce que c'est nous qui nous le sommes rendus obligatoire, ou c'est le din qui nous le rend obligatoire? C'est le din. Kutiba alaykum siyam. D'accord? Comme Allah nous dit en Coran. Dans le wujub, or, une deuxième catégorie qui est, ou un deuxième point qui est, ma wajaba bi ijab il mukallaf nafsa. La fi asli shara. Wa huwa al-nadhr. Deuxièmement, l'obligation, mais cette obligation n'est pas obligatoire à la base dans le din. C'est le serviteur qui s'est rendu cette action obligatoire. C'est ce qu'on appelle al-nadhr, le vœu. C'est ce qu'on appelle al-nadhr, le vœu, le serment. C'est-à-dire, la personne dit, je me rends obligatoire de faire ça pour Allah. À partir du moment où elle a fait pris cet engagement, elle est obligée de le faire. D'accord? Car le prophète a dit, celui man nadhara an yuti' Allah fal yuti'. Celui qui fait le vœu d'obéir Allah, qu'il le fasse. D'accord? Mais c'est makruh, c'est détestable de se rendre obligatoire à des choses alors qu'Allah ne te l'a pas rendu obligatoire. Fais-les, approche-toi d'Allah Azza wa Jal par ce que tu veux, sans te mettre dans cette situation qui peut te causer de la gêne. Naam. Voici pour al-wujub. La deuxième catégorie, on l'appelle al-mandoub. Que veut dire mandoub? C'est ce qu'on dit souvent entre nous, mustahab. D'accord? On pourrait trouver certaines différences, mais on va dire ainsi. Al-mandoub, quand tu étudies en sous le fiqh, en sous du wa de al-wujub, on te dit al-mandoub. Que signifie al-mandoub? C'est ma amara bihi shari' ala wajhi al-takhir, ala sabil al-takhir. C'est ce que le législateur a rendu obligatoire, mais pas de manière ferme. On t'a plutôt laissé le choix. Donc, al-wujub et al-mandoub s'unissent sur quoi? Sur le fait que ce soit un ordre d'Allah. Mais se sépare à quel moment? Au moment où, pour al-wujub, on dit que on ne t'a pas dit si tu veux tu le fais, si tu veux tu le délaisses. Alors que pour al-mandoub, on te dit, on te rend obligatoire, mais si tu le délaisses, tu n'as pas de péché. Si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu ne le fais pas. Mais si tu le fais à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, tu obtiendras la récompense. Est-ce que c'est compris? Et al-nadb, dans la langue arabe, si mes souvenirs sont bons et je réviserai inshallah ta'ala, c'est al-nida, c'est le fait d'appeler. D'accord? C'est le fait d'appeler. Par exemple, tu vas crier au secours. Naam, on va utiliser ce terme. Quel jeune entre dans ce jugement? الندب on dit الندب c'est مستحب on dira الاستحباب ou bien المندوب on dira الندب ou bien مستحب الاستحباب. Quel jugement connaissez-vous qui entre dans cela? Abdullah. Les six jours de Shawwal après le mois de Ramadan. Tu jeûnes à Ramadan, ensuite s'il te manque des jours, tu rattrapes, puis tu jeûnes six jours dans le mois de Shawwal. Tu auras là quelle récompense? D'abord, jeûne continue. Pourquoi? Parce que chaque jeûne, tu as une hasana. Chaque hasana multiplié par 10. Donc Ramadan, ça fait 30. D'accord? Tu multiplies par 10, ça fait 300. Tu rajoutes 6, ça te fait 2 mois. Ça fait 12 mois. Non. Prends comme exemple. Le jour de Arafat. Le jour de Arafat. Est-ce que c'est de manière absolue? Le jour de Arafat, est-ce que vous êtes tous d'accord? Enfin, si moi je vous dis c'est détestable, le jeûner le jour de Arafat, je vous dis c'est makruh. Naam, c'est le prochain hukm qu'on va voir. Est-ce que je dis vrai ou je dis faux? Est-ce que vous acquiescez ou vous me réfutez? Avec tout le respect, bien sûr. Et le bon comportement qu'on vous connaît. Et t'as, est-ce que toi tu dis que le jour de, le jeûne du jour de Arafat, c'est mandoub ou c'est makruh? C'est recommandé ou c'est détestable? Ça dépend de la situation. Voici une réponse. Qui a une autre réponse? Qui dit que c'est mustahab? Mustafa? Yanis? T'étais pas là quand on a étudié ça, tu réponds pas. Hein? Hey, tu pourras répondre au prochain cours. Aïna Adam. Le jour de Arafah. Ma hukmu siyami. Allahu alam, aïna abouk. Ma hukm siyam Arafah. Ça dépend. Naam. Siyam Arafah. Yomi Arafah. Mandoub liman laysa bihaj. Mafhoum? Le jeûne du jour de Arafah est recommandé pour celui qui n'est pas au pèlerinage. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام هذا العام على خير وفي خير. Allah عز وجل nous permet d'accomplir le pèlerinage dans de bonnes conditions. Donc le jeûne du jour de Arafah. أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والآتية. Le prophète nous dit j'espère en Allah que par ce jeûne là il nous efface les péchés de l'année passée et future, deux années de péché. Qui a un autre exemple? Non. Le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi. Pourquoi le lundi? Quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi? Yohan. Qala hada yawm wulidtu fihi. Il a dit c'est le jeûne dans lequel je suis, le jour durant lequel je suis né. Wa bu'ithtu fihi wa unzila fihi. Et le jour dans lequel j'ai été envoyé, le jour que j'ai reçu la révélation. J'ai un doute sur le deuxième terme. Donc le jeûne du lundi. Et quant au jeûne du jeudi, pourquoi? Non. Comment? Le jeudi, les actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam aimait que ces actions soient présentées alors qu'il est en état de jeûne. Non. Et ça c'est mandoub. Certaines sunan, j'ai honte des fois de les citer parce que yani, je ne fais pas partie des gens, des dévots dans cela. Et un cher Bichay Yudkar, et cela me rappelle une dame, Hafidah Allah, que je pense pieuse, qui pose une question qui m'a déconcerté, perturbé. Quelle est cette question, mes frères? Quel jour nous sommes-nous? Ayyou min hada? Yom al-Jum'a. Quel jour étions-nous l'Ams? Al-Khamis. Et Al-Khamis, c'était combien de jours avant Ramadan? Deux jours. Et ça aurait pu être un jour. Quelle est la question de notre chère mère? Hein? Elle dit, est-ce que je peux jeûner jeudi, sachant que il y a une divergence et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas jeûner un ou deux jours avant Ramadan. Pour répondre à cette question, il faut être tafsir, ça dépend. Donc on lui demande, chère mère, pourquoi est-ce que vous voulez jeûner demain? Est-ce que c'est une habitude que vous avez de jeûner le dernier jeudi par exemple? Et elle dit une parole pour de modestie, elle dit, elle jeûne le jeudi. Non, j'ai honte de quand on répond, mais on est obligé de transmettre. Non. Donc certaines parmi nos mamans et nos papas et autres jeûnent le lundi et le jeudi. Tous les lundis et jeudis, tu vois certains papas au masjid, ils s'appellent Awal, qui sont âgés, et que quand tu les vois, tu dis Awal, mais là, Awal, les gens de la masse, ils jeûnent le lundi et le jeudi. Et quand ils ont connaissance d'une chose, ils l'appliquent. Là, nous aussi, on est mis. Et on est à l'Awal dans beaucoup de choses. On ressemble aux gens de la masse dans beaucoup de choses. Et certains sont, et peut-être qu'on est dans, on fait partie des Awal. Allah al-Musta'an. Allah nous joigne au nombre des talabat al-ilm. Et donc, quelle est la réponse à cette question? C'est qu'elle peut jeûner. Parce que c'est un jeûne habituel. C'est un jeûne habituel. Et la preuve est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La taqaddamu ramadana bi siyami yawmina wa yawmay illa rajulan ou illa rajulu kana lahu sawmu falyasum. » Ne précédez pas le jeûne de Ramadan par le jeûne d'un ou de deux jours, sauf la personne qui a l'habitude de faire un jeûne, qu'il le jeûne. Qu'il le jeûne. Naam. Tiens un autre exemple, plus adapté aux faibles comme moi. Amin. Les jours blancs. Siyam thalathati ayyam. Ayyam al-bir. Les jours blancs, c'est-à-dire les jours de pleine lune, qui sont le 13, 14 et 15 de chaque mois. D'accord? 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. Le 13e, la 13e nuit lunaire, 14, 15 ou jour. Non. La nuit précédant le jour. Une autre sunna, un jeune mandoub, Ashura. Naam, Ashura. Pourquoi un jeune Ashura? C'est le jour où Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon et de ses alliés. Et il a noyé Pharaon et ses alliés. Quand le prophète alayhi salam est arrivé à Medina, il a trouvé que les gens lui jeûnaient ce jour-là. Il leur a demandé pourquoi est-ce que vous jeûnez? Ils ont dit, car c'est le jour où Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa. Le Prophète sallam a dit, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa. Alors il a jeûné ce jour, a ordonné aux croyants de jeûner. Et quand on étudiera les étapes du caractère légiféré du jeûne du mois de Ramadan, on passera par cette première étape. La première étape, c'est l'obligation de jeûner à Ashura. Naam. Une autre sunnah, naam. Jeûner pendant les 12 jours, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, Allahu A'lam. Yani, at-ta'abbud, faire beaucoup d'adoration. Entre dans cela le jeûne, mais spécifie le jeûne, Allahu A'lam, je n'ai pas cette connaissance, mon cher frère. Naam. Si tu as une preuve claire avec un savant qui a détaillé, tu me feras parvenir cela. Moi, j'ai déjà entendu hein, ce que tu dis. Tu n'as pas dit une innovation comme parole. Mais, pour que je puisse transmettre cette parole, il me faut de base solide, car c'est une lourde responsabilité. Barakallah fik. Naam. Siyam Daoud. On lui demande la facilité, il nous dit Siyam Daoud alayhi salam. Quel est le siyam de Daoud alayhi salam? Le Prophète sallam a dit Daka siyam ahi Daoud yasumu yawman wa yuftiru yawma. Le Prophète sallam a dit, voici le jeûne de mon frère Daoud. Daoud étant le père de Suleyman alayhi salam. Il nous dit, le Prophète sallam, sallallahu alayhi wa sallam, voici le jeûne de Daoud. Il jeûnait un jour et rompait un jour. Il jeûnait un jour sur deux. Un jour sur deux. La moitié. Allahu Akbar de son temps. La hawla wa la quwwata illa billah. Et nous, quand le mois de Ramadan arrive, on dit, on ne va pas pouvoir faire telle chose ou telle autre ou telle autre. Pendant combien? 29 jours. Ou 30 au maximum. Un un douzième de l'année. Allah musta'an. Naam. Une autre sunna, jeûner 3 jours par mois. Une autre sunna, jeûner 3 jours par mois. Est-ce qu'on a déjà dit cette parole? Non. Amin a dit les jours blancs. Mais il y a une autre sunna, salatatu ayyam, min kulli shahr. 3 jours dans le mois. Si tu prends Yamil Bayt, c'est mieux. Et si tu fais 3 jours comme ça, t'as aussi la récompense. Le bien-aimé du prophète, le grand apporteur de hadith, Abu Hurayrata radiallahu anhu, nous dit, Aussani Khalili, mon bien-aimé m'a recommandé. Regardez la kalima d'Abu Hurayra. Regardez le ta'addum à Nabi sallam. Il n'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un comportement. Ou le prophète Mohammed sallam, c'est un comportement. Ou mon enseignant. Non. Il a dit, Aussani Khalili. El Khulla, c'est plus au niveau de l'amour. Yani la créature que j'aime le plus. Aussani, et ce mot-là en arabe, non, il a une notion qui veut dire que tu lis un lien avec quelqu'un parce que tu l'aimes. Wasala, wa el wasiya. Yani il y a un lien qui est basé sur un amour, sur le nasiha. Alors tu lui parles par amour parce que tu veux son bien, t'aimes pour lui le bien. Il lui a dit, Aussani Khalili, mon bien-aimé m'a recommandé. An utira qabla an anam, de faire le witr avant de dormir. Wa an asuma thalathata ayyamin min kulli shahr, et jeûner 3 jours par mois, ça sera la récompense d'un jeûne continu. Naam. Et peut-être une troisième chose que j'oublie. Astaghfirullah. Les péchés, ça peut oublier. Allah musta'an. Wa'an, et l'istighfar, ça fait se rappeler. Wa'an usalli al-duha. Naam. Et de prier salat al-duha, c'est-à-dire après le lever du soleil, avant le zénith. Avant le zénith. Ces 3 choses-là, les frères, c'est difficile ou c'est facile? Hein? Sur 30 jours, tu jeûnes 3 jours. Tu les choisis comme tu veux. D'accord? Et dans 24 heures, après le lever du soleil, pleinement, et avant le zénith, c'est-à-dire un peu avant l'heure, tu pries juste 2 rakats. Juste 2 rakats. Non? Et avant de dormir, tu fais le witr. Pourquoi tu veux, tu fais le witr? Pourquoi est-ce que le prophète m'a dit à Abu Huraira avant de dormir et à d'autres, il leur a dit avant le fajr? Parce qu'Abu Huraira, c'est un grand talib'in. Donc il étudiait, il étudiait. Donc lui, il risque de ne pas se lever tôt avant le fajr. Alors la sécurité, tu pries avant de dormir. On va avec l'explication. Ainsi, on dit les ulama. Inch'Allah, on met en pratique ce hadith. Non? Inch'Allah ta'ala, à partir d'aujourd'hui, hein? Après Ramadan, on prend 3 jours dans le mois, on jeûne, bi'idhnillahi azza wa jal. Et on s'entraide dans ce bien-là, wa ta'ana al birr wa taqwa. Et bi'idhnillahi azza wa jal, chacun va témoigner pour l'autre, yawmal qiyamah. Si vous entrez dans ce bien-là, chacun va témoigner pour lui. Vous rencontrez yawmal qiyamah fil jannah et vous rappelez de cela. Voilà. Tu pries de la ka'a dans la matinée. Et tu fais le witr avant le fajr. Si tu sais que tu es sûr de toi que de te lever avant le fajr, c'est meilleur. Dans le cas contraire, tu pries avant de dormir. Naam, voici certains exemples de siyam qui sont mandoub. D'accord? Qui sont recommandés. Qui sont recommandés. Ensuite, il y a siyam al-makrouh, le siyam qui est détestable. Al-makrouh, ça veut dire détestable. Wa. C'est mieux plutôt de commencer par Siyam al-Muharram. Le jeûne qui est interdit, qui est proscrit. Haram. Al-Muharram, c'est le mana, c'est l'interdiction. Wa huwa ma naha anhu shari' nahyan jaziman. C'est ce que le législateur a interdit de manière ferme. C'est ce que le législateur a interdit de manière ferme. Là, à la sabil tahir. On t'a pas dit si tu veux, tu le délaisses, si tu veux, tu le délaisses pas. Non. Qu'est-ce qui entre dans Siyam al-Muharram? Qu'est-ce qui entre dans Siyam al-Muharram? صيام يوم العيد le fait de jeûner l'Eid al-Fitr qui marque la rupture du mois de Ramadan ou l'Eid al-Adha le dixième de Dhul-Hijjah ça c'est haram parmi le jeûne muharram صيام المسافر بقيد انتبهوا صيام المسافر إذا أضره الصيام واضح le jeûne du voyageur pour qui le jeûne lui fait du mal et lui cause de grandes nuisances d'accord الضرر j'ai pas dit l'aliyya ou l'mashaqqa non j'ai dit الضرر الضرر ça te fait vraiment du mal d'accord tu crains pour toi naam c'est interdit de jeûner dans ce cas c'est interdit de jeûner dans ce cas celui qui n'a pas la capacité et qu'il risque bon, il m'en mangeait sa personne c'est interdit qu'il jeûne cette religion c'est une religion de samaha d'indulgence quand on t'ordonne de jeûner ou d'adorer Allah c'est pas pour te faire du mal c'est pas pour que tu souffres non c'est pour purifier ton âme purifier ton extérieur pour que tu te rapproches d'Allah pour que tu cherches l'agrément d'Allah pour que tu t'éduques sur la piété c'est pour ça qu'on t'ordonne c'est pour ton bien pas pour la difficulté et Allah Azza wa Jalla lorsqu'il donne une facilité à un serviteur il aime qu'il la saisisse ce qu'on appelle al-rukhas il y a dans les jeunes makruh et al-karahiyya Naam, c'est la chose qui est détestable, c'est ce que le législateur a interdit, mais pas de manière ferme. C'est-à-dire, on te dit ça, c'est interdit. Mais si tu le fais, tu n'encours pas de menace, ni tu ne prendras de péché. D'accord ? Ni tu prendras de péché. Quel exemple de jeûne makruh ? Quel exemple de jeûne détestable ? Siyam yawm al-jum'ah Fardan, le fait de jeûner le vendredi tout seul. C'est-à-dire tu n'as pas jeûné avec le jeudi. Et si tu te retrouves en état de jeûne le vendredi, tu fais suivre cela du samedi. C'est wadah ? Non. Comme dans le hadith de Umm Salama, si mes souvenirs sont bons, c'était une femme très pieuse qui faisait beaucoup d'adoration, elle a jeûné le vendredi. Le prophète sallam lui a dit, est-ce que tu as jeûné hier ? Elle a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu comptes jeûner demain ? Elle a dit non. Il lui a dit alors ? Elle a dit non. Il lui a dit, aftiri idan. Alors Et suite à cela, auront ton jeûne. Donc, c'est détestable de jeûner le vendredi seul, mais si tu jeûnes avec le jeudi, c'est permis. Un autre exemple. Yom Arafa lil Hajj. Allahumma yassirana al Hajj. Le jeûne du jour de Arafa, alors que tu es Arafa, en état de... yani tu es en train de faire le pèlerinage. D'accord ? Pour le pèlerin, celui qui est au Hajj le jour de Arafat, il est forcément à Arafat. Celui qui n'est pas à Arafat le jour de Arafat a raté son Hajj. C'est le plus grand pilier du Hajj. Prophète m'a dit, Al-Hajj ou Arafat. Le Hajj c'est Arafat. Allah adratama Arafat. Et qui te dira ce qui est Arafat ? Allahumma yassir lana dhalik. Jeûner Arafat pour le pèlerin, c'est détestable. Pour celui qui n'est pas le pèlerinage, c'est mandoub. Tayyib. Siyam al-musafir idha shaqqa alayhi min ghayri darar. Naam, le dernier exemple qu'on citera ici, c'est le jeûne du voyageur. Qui jeûne avec difficulté. Il supporte le jeûne avec difficulté, sans que ça ne lui cause grand mal. Vous avez compris ? Ça lui nuit, mais ça ne lui fait pas du mal. Non, ça lui nuit, c'est difficile, il y a une nuisance, mais ça ne lui fait pas du mal. Non, elle mashaqqa min ghayri darar. Al-mashaqqa min ghayri darar. Et vous regarderez quel est le terme le plus fort. Est-ce que c'est la nuisance ou le mal? Et on dira pour le plus fort, al-dara. Et pour le moindre, al-adiyya. Il nous reste un hukm taklifi. On a cité al-wujub. On a cité al-mandoub. On a cité al-muharram. Celui qui est haram interdit. On a cité al-makruh, celui qui est détestable. Juste une remarque. Al-makruh, عند al-usuliyin, c'est celui qui est détestable dans le sens. Si on te l'interdit et que tu le fais, et si on te l'interdit et que tu délaisses pour Allah, tu te verras récompensé. Et si on te l'interdit mais que tu, malgré ça tu le fais, tu n'encours pas de péché ni de mada, de menace. Voilà. Par contre, al-makruh, dans les textes religieux et dans la parole des plus prédécesseurs, c'est pas ça. Al-makruh, عند al-awwalin, c'est quoi? C'est le muharram. D'accord? C'est le muharram, c'est-à-dire le muharram. Dans Sourate al-Isra, quand Allah Azza wa Jalla nous cite le shirk et tous ces péchés-là, à la fin, كل ذلك كعند الله مكروه. Tout cela est auprès d'Allah détestable. Est-ce que ça veut dire que le shirk c'est makruh? Détestable, genre si tu le délaisses pas, tu prends pas de péché? Bien au contraire. D'accord? Bien au contraire. Lisez dans Sourate al-Isra ce passage-là et vous verrez. نعم إنه رست المباح الإباحة c'est l'إذن والمأذون فيه الإباحة en arabe c'est ce qu'on t'a permis de faire ce dans quoi tu as eu l'autorisation d'accord tu dis أباحت لك الدخول je t'ai permis d'entrer Non. Et les savants citent en exemple pour le jeûne qui est moubah, bien que ceci soit sujet à divergence auprès des ulama, certains ont dit il n'y a pas de jeûne moubah parce que c'est une ibadah. Ibadah, ça ne peut pas atteindre le niveau de l'ibah. Ça peut être que au-dessus ou en dessous selon les circonstances. Mais ils le citent pour donner un exemple. Et il l'a cité Al-Allama Muhammad ibn Abi Bakr. Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Mais d'autres savants ont dit non, cet exemple n'est pas convenable. Quel est cet exemple pour un jeune permis? Ils disent Siyam al-Yawm al-Thalathi min Sha'ban عند وجود الغيب قبل أو المطر أو ما حال بيننا وبين رؤية الهلال. Il cite comme pour exemple le jeûne du 30e jour du mois de Sha'ban, c'est-à-dire précisément ce jour-là, aujourd'hui, mais dans d'autres circonstances. Ils disent le jeûne du 30e jour de Sha'ban dans le cas où la veille, donc la nuit du doute, le 29, il y avait du brouillard ou des nuages ou autre chose qui nous empêche la clarté de la vision. C'est compris? C'est-à-dire qu'il y a un obstacle entre nous et la vision de la lune. Parce qu'il y a par exemple de la poussière, du sable, une tempête de sable, ou bien des nuages, ou bien mada, autre chose. Il pleut et d'autres situations. À ce moment-là, on ne va pas avoir la capacité de voir la nuit. Ils disent dans ce cas-là, le fait de jeûner le lendemain, le jour du doute, c'est moubah. C'est moubah. Ni on te l'ordonne, ni on te l'interdit. Ni on te l'ordonne en te disant si tu le fais avec la bonne mada, si tu le délaisses avec mada, si tu le délaisses, tu mérites un châtiment, si tu le fais avec espoir qu'Allah te récompense, tu mérites une récompense. Et ni en disant si tu le délaisses, tu prends des péchés, et si tu le délaisses, si tu le fais, tu prends des péchés, si tu le délaisses pour Allah, tu prends des hasanat. Ni ça. Donc ni on te l'ordonne ni on te l'interdit. Mais plutôt, les effets de l'ibaha, c'est quoi? C'est que ni tu es en cours de châtiment et de péché, ni tu prends de récompense. D'accord? C'est entre les deux. Voici les cinq qu'on appelle al-ahkam al-taklifiyya. Al-ahkam al-taklifiyya. Pour les arabophones, je vous encourage à lire le début, par exemple, du livre de Al-Usul min ilm al-usul d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ceci est parfaitement expliqué, rahmatullahi alayhi. L'autre, on dit, cet exemple-là n'est pas convenable, parce que c'est le Prophète m'a interdit cela. Ala kulli hal, pour donner un exemple. Et on va finir sur une mas'ala. On va finir sur une question religieuse. Ou bien est-ce que vous êtes fatigué ou vous préférez qu'on reporte cela peut-être à ce soir ou à demain? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Moi je suis avec vous, avec plaisir. Ça, c'est mes meilleures assises dans le dunya, à part les assises avec les ulama, Fibaladi al-Haramain et autres. D'être assis avec vous, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, dans un endroit qu'Allah aime, masajidullah. Donc la dernière mas'ala que j'ai voulu vous rappeler est la mas'ala mata yajibu alayna siyam bi ta'birin akhar bimada yathbutu dukhul ash-shahr bimada yathbutu dukhul ash-shahr. Quand est-ce que nous avons l'obligation de jeûner le mois de Ramadan? À partir de quand? En d'autres termes, cette question religieuse est appelée par quel signe, quand est-ce que le mois de Ramadan entre? Par quoi le mois de Ramadan entre? Naam. Li ahadi amri. La thalitha lahuma. Par l'une de ces deux choses, et il n'y en a pas de troisième. أما الأمر الأول فهو رؤية الهلال. C'est la vision de la lune, de la nouvelle lune. De quelle lune s'agit-il? La nouvelle lune qui marque l'entrée de quel mois? Hilal ou Shahr Ramadan, bien évidemment. L'entrée du mois de Ramadan. Al-Hilal en arabe, c'est quoi? C'est le filament, c'est le croissant de lune lorsqu'il commence. On appelle ça Al-Hilal. On appelle cela Al-Hilal. Quand c'est la pleine lune, on appelle cela comment? Al-Qamar ou bien? Al-Badr. Naam, Al-Badr. D'accord? Et cela est cité dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de divergence entre les saints. Donc, la nuit du doute, parmi les sunnas, muraqabatul qamar wal hilal, le fait de chercher la nouvelle lune, c'est une sunna. Le fait de chercher la nouvelle lune, c'est une sunna. قال عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته فأخبرته فصام وأمر الناس بصيامه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nous dit, les gens à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم cherchaient la lune, cherchaient la nouvelle lune. De cela on sait que c'est une sunna. C'est alors que je l'ai aperçu. Je suis donc parti avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Il a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. C'est-à-dire, l'endroit. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah nous dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُ. Celui donc qui parmi vous témoignera de la nouvelle lune, qu'il le jeûne. On pourrait traduire aussi par désormais ou à partir de maintenant, celui qui verra la nouvelle lune, qu'il le jeûne, c'est-à-dire bien qui témoignera de l'entrée du nouveau mois, na, qu'il le jeûne. Parce que ce verset, comme on l'expliquera inshallah ta'ala, fait référence à l'abrogation d'un jugement, d'une façon de jeûner auparavant, c'est-à-dire el-khiyar. Avant tu avais le choix. Si tu avais la capacité de jeûner, soit tu jeûnais Ramadan, soit tu nourrissais un pauvre. Tout cela a été abrogé par cela. Désormais, celui qui a la capacité, ou bien celui qui sait qu'on entre dans le nouveau mois, qu'il le jeûne. D'accord ? Maintenant, c'est le wujou sans le choix dans la façon de faire. Et il y a le ijma' des ulama. Donc on a cité le verset ayat al-Qur'aniya, on a cité le hadith, et ma'adal ijma'. Il n'y a pas de divergence sur ça. Ça c'est simple, c'est évident. D'accord ? On cherche la lune. Si on voit la lune, d'accord, à condition qu'un musulman l'ait vu, de confiance ayant une bonne vue, comme explique Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, à ce moment-là, il est obligé de jeûner. Il informe les autres et ils sont obligés de jeûner. Voilà, il est obligé. Et nous sommes obligés de jeûner. C'est quelqu'un de confiance. Et qu'il a une bonne vue et que c'est un musulman. Ça, c'est ça, il n'y a pas de divergence. On cherche la lune. D'accord ? Le Maghrib arrive, on ne voit pas la lune. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on avance en avance, on dit, c'est pas demain Ramadan, mais c'est le surlendemain. Non ? Pourquoi pas ? Plein d'enseignes, plein envoyer des messages, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Non. Parce qu'il faut voir la lune. Jazakallahu khayr. Sans avoir vu la lune, on n'a pas vu la lune à telle heure. Est-ce que c'est possible de voir la lune une heure plus tard? Oui ou non? Oui. Donc le fait que toi tu n'aies pas vu la lune à l'heure précise, est-ce que ça te rend légiféré le fait d'annoncer que c'est pas demain mais plutôt le surlendemain? Non. Parce que peut-être que quelqu'un va la voir et annoncer, toi tu auras dit aux gens que c'est à tel moment. De quel droit, avec quelle science et quelle connaissance? Quelle est la preuve du Coran ou la Sunna qui te permet cela? La réponse de la plupart est de dire les calculs. N'est-ce pas ? Al-Hisab. Ben, sachez que l'Hisab, d'utiliser l'Hisab pour annoncer l'entrée du mois, hadarayru mashrou'. Cela n'est pas légiféré. Inda jama'ahir ahl al-'ilm. Wal-qawl bi qawl mahjur. Majrouh. Wa mahjur. Wa mahjur. Na'am. Le fait de dire que on peut utiliser les calculs astronomiques pour annoncer l'entrée du mois, le début, c'est une parole qui est rejetée. Elle est matrouka. Elle est marjouha. Elle est rejetée. C'est-à-dire que c'est loin d'être l'avis prépondérant. Et elle est marjouha, c'est une parole que les savants ont délaissée. D'accord ? On n'a pas le droit de se baser sur cela. On n'a pas le droit de se baser sur cela. La question a été posée à Cheikh Souleymane Rahili. Dans le cas où on se trouve dans un endroit où ils utilisent cela, comment est-ce qu'on se comporte? Il dit deux choses l'une. Soit ça tombe en concordance avec le dit, c'est-à-dire qu'eux disent que c'est tel jour par rapport au calcul. Et en effet, on a vu la lune, et donc on sait que c'est le lendemain. Alors on jeûne, mais pas par rapport à ça, par rapport à la lune. Ou bien, il s'avère que ça n'est pas demain, parce qu'on n'a pas vu la lune. D'accord? Alors, dans ce moment-là, à ce moment-là, il est interdit de dire que le Ramadan commence et de jeûner avec. On ne jeûne pas. Voilà, on ne jeûne pas. Ça, c'est la première façon d'annoncer l'entrée du mois. Ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que la lune, on peut la voir à telle heure. Mais on peut la voir aussi 30 minutes après ou une heure après. Ou toi, tu ne l'as pas vue, mais peut-être que lui, la voit. Les gens la cherchent. Non? Donc, tant que tu ne peux pas savoir en avance. Par la suite, si personne n'a vu la lune dans l'endroit, d'accord, ou proche de cet endroit, on passe à la deuxième étape. La deuxième façon de savoir l'entrée du mois, c'est ikmal al-shahr thalathina yawm. Takmil al-shahr thalathina yawm. C'est le fait que le mois atteigne 30 jours. C'est le fait que le mois atteigne 30 jours. Pourquoi? Ceci repose sur une chose très simple. C'est qu'un mois lunaire se compose soit de 29 jours, soit de 30 jours. Donc si nous n'avons pas vu la lune, pour dire que ce mois-là est ce qu'on appelle naqis incomplet, donc se compose de 29 jours, c'est forcément un mois complet, c'est forcément un mois complet qui se composera donc forcément de 30 jours. Donc on est sûr que le second mois c'est Siyam. Est-ce que c'est compris? Hier nous n'avons pas vu la lune, donc on est sûr que, vu qu'aujourd'hui c'est pas le premier jour de Ramadan, forcément c'est le lendemain, parce qu'on est le 29 et demain, yani, on est le 30e jour, et forcément demain c'est le premier jour du mois suivant. Est-ce que c'est compris? Cette connaissance repose sur une chose très simple, c'est que le mois est composé soit de 29 jours, soit de 30 jours. Il ne peut pas y avoir 31, comme dans les mois grégoriens. Non. Voyez. Si on ne voit pas la nouvelle lune, on dit que ce mois-là est composé de 30 jours. Et on jeûne le surlendemain. Est-ce que ceci est clair? Et il n'y a pas d'autre moyen d'annoncer l'entrée du jour. Il n'y a pas d'autre moyen d'annoncer l'entrée du jour. Il y a un troisième cas. D'accord? C'est dans le cas où le ciel n'est pas dégagé. Dans le cas où le ciel n'est pas dégagé. Et qu'il y a par exemple de la brume, du brouillard, une pluie, une tempête de sable ou autre. Quoi qu'il en soit, le ciel n'est pas dégagé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous est légiféré de faire? Qu'est-ce qu'il nous est légiféré de faire? Plusieurs textes nous montrent que ce qu'il nous est légiféré de faire, c'est de considérer que ce mois-là se compose de 30 jours. Et de ne pas jeûner le lendemain, le jour du doute. Et de ne pas jeûner le jour du doute. Plusieurs textes nous montrent cela. Parmi ces textes, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taqaddam ramadan bi siyam yawmin aw yawmayn illa rajulun lahu sawm falyasumhu. Ne faites pas devancer le jeûne du mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou de deux jours, exception faite de celui qui a un jour habituel qu'il le fasse. D'accord. Le jour du doute n'est-il pas le jour qu'on dit de lui un jour avant Ramadan? Oui, le prophète a dit ne jeûnez pas un jour avant. D'accord. C'est une interdiction. C'est un ordre. D'accord. Ça montre que c'est haram, interdit. عند الأصوليين النهي للتحريم chez les savants de cette science sur le fiqh, l'interdiction nous montre que c'est proscrit. La deuxième preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ عِدَّةَ الشَّعْبَانِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. Jeûnez à sa vision et rompez à sa vision. C'est-à-dire, vous ne jeûnerez et commencerez à jeûner le mois de Ramadan qu'à la vision de Hilal et Ramadan, la nouvelle lune du mois de Ramadan. Et rompez à sa vision, c'est-à-dire l'Eid sera marqué par la vision de la nouvelle lune du mois de Shawwal. Puis le prophète nous cite le deuxième cas, ça c'est la vision de la lune. Deuxième cas, si vous ne la voyez pas, parce qu'il y a un obstacle, alors considérez que ce mois-là a 30 jours. Considérez que ce mois-là a 30 jours. Non, considérez que ce mois-là a 30 jours. Ça englobe le deuxième cas que nous avons cité et ce cas problématique. Ça c'est le cas, exactement ce même cas. Pensez le mardi, n'a pas déjeuné le jour du doute. Prenez vos précautions. Non. Le signe religieux, c'est ça. Complétez le mois. Complétez le mois 30 jours. Aussi, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, ou bien l'autre a dit, Man sama yawma shak faqad asaba al-qasim. Celui qui jeûne le jour du doute aura désobéi au père de l'qasim. C'est-à-dire la kunya du prophète. C'est la kunya du prophète, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Si on dit lui a désobé, est-ce que ça veut dire que c'est makruh ou détestable ou bien muharram interdit? Muharram interdit. Ensuite, sachez qu'il y a une divergence chez Sahab sur la permission simple de le jeûner, sans dire aux autres de le jeûner, sans dire que c'est obligatoire. Non, juste toi tu le jeûnes. D'accord ? Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, par exemple, lui, quand c'était, il était dans ce cas-là, il le jeûnait, sans ordonner aux gens de le jeûner. Sans ordonner aux gens de le jeûner. Lakin khalafa Abdullah ibn Abbas. Mais Abdullah ibn Abbas a divergé avec lui. C'est-à-dire qu'il disait qu'il ne faut pas jeûner le jour du doute. Pourquoi est-ce que je vous dis Abdullah ibn Abbas n'était pas de cet avis? Quelqu'un pourrait dire c'est la parole d'un sahabi. Comment est-ce qu'on n'a pas suivi la parole d'un sahabi? Sachez que la parole d'un sahabi n'est pas une preuve en soi dans le cas où un autre sahabi a dit un autre avis. Mais vous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Un sahabi a dit une parole. Un autre sahabi a dit une autre parole. Lui dit c'est wajib, lui dit c'est mustahab, ou mandou. Lui dit que c'est wajib, lui dit c'est muharram. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On revient au Coran et à la Sunna et on regarde celui dont les preuves appuient plus sa thèse avancée. Et c'est la même chose pour les ulama. Ça, c'est maintenant Ahlu Sunna wal Jama'a. Ça, c'est la voie des gens de la Sunna. Ils ne suivent de manière avec fanatisme personne. Ils ne suivent avec fanatisme personne. Lorsque Abu Bakr et Omar ont émis comme fatwa dans le Hajj le fait de faire telle chose, Abdullah ibn Abbas a dit faites de telle manière. Ils lui ont dit, mais Abou Bakr et Omar ont dit ça. Il leur a dit, faites de telle manière. Ils lui ont dit, mais Abou Bakr et Omar ont dit ça. Il leur a dit, il s'en faut de peu pour qu'Allah Azza wa Jalla ne vous châtie avec des pierres qui tombent sur vous du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah a dit, vous me dites, Abou Bakr a dit, Omar a dit, Allahu Akbar. Le même hajj que nous enseigne Abdullah ibn Abbas, avec l'immensification qu'il accordait à Abou Bakr et Omar, malgré cela, qu'est-ce qu'il dit? Il les met en garde contre le fait de contredire la sunna pour suivre la parole d'un homme, même si c'est les maires de la communauté Abou Bakr et Omar. N'est-ce pas? Les maires de la communauté sont Abou Bakr et Omar, les meilleurs maîtres de tous les hommes après les prophètes et les messagers. Naam. Sauf de ceux qui ont prétendu être dans la voie de l'Hanifi et qui n'ont aucune part. Naam. Et qui n'ont aucune part du dîn. Islam. Rawafid al-Dullab. Naam. Hala huwa. Donc Abdullah ibn Abbas a contredit Abdullah ibn Omar dans cet avis et en revenant au texte, on voit que les textes appuient, comme l'ont dit les savants, le fait de ne pas jeûner le mois le jour du doute. Le jour du doute. Qu'en est-il dans le cas où, qu'est-ce qu'on répond à celui qui dit moi j'annonce parce que dans tel pays, ils l'ont annoncé. Et aux informations, ils ont annoncé, par exemple, que fi al-mamlaka al-arabiya saoudiya ru'ya al-hilal. S'ils nous annoncent que dans le royaume d'Arabie saoudite, harasahallah, ils ont vu la nouvelle lune. Donc moi j'annonce. Et comme eux vont jeûner demain, moi je jeûne demain. Est-ce que ceci est un avis correct et retenu? اختلف أهل العلم في هذه المسألة. Les savants ont divergé dans cette question religieuse. Naam, les savants ont divergé dans cette question religieuse. Et par manque de temps, je vais résumer là, la masala. Cette masala se nomme اختلاف المطالع. Les différents, peut-être on peut traduire par les différents fuseaux horaires, ce qu'ils appellent la latitude, la longitude. Naam. Ceux qui sont proches les uns des autres, les pays qui sont proches les uns des autres, et qui ont donc les mêmes fuseaux. D'accord? Pour ces gens-là, ils prennent la même vision, il n'y a pas de problème. Ils prennent la même vision, il n'y a pas d'ishkel. D'accord? Ceux qui sont proches les uns des autres, il n'y a pas de souci. C'est le premier cas. Le deuxième cas, ceux qui sont loin les uns des autres. C'est le jour dans tel endroit, c'est la nuit dans tel endroit. C'est le voir ici, là-bas, c'est le maghrib. D'accord? Est-ce que si quelqu'un te dit que c'est le soleil s'est couché en Arabie, toi tu vas rendre ton jeûne ici? Ce serait trop facile. Hein? On va pas dire trop bien, parce que trop bien c'est char, mais ce serait trop facile. Et en réalité c'est trop difficile, parce que contredire le dîn, c'est ça la difficulté en fait. Là, pas bien. Est-ce que celui qui fait ça, tu lui réponds quoi? Tu lui dis, mais t'es pas dans tel pays, de la même façon. De la même façon. Si la lune est vue dans tel pays qui est lointain, toi tu ne l'as pas vue ici, tu dois jeûner avec ton pays. Tu dois jeûner avec ton pays. Il peut y avoir une différence d'un jour. D'accord ? Il peut y avoir une différence dans le jour. Quelle est la preuve de cela ? Quelle est la preuve de cela ? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui témoigne du mois, qu'il le jeûne. D'accord. Est-ce que toi, tu as témoigné du mois ? Non. Eux ont témoigné du mois là-bas, ils vont le jeûner. Toi, tu n'as pas témoigné de ce mois. Non. Tu n'aurais pas eu la capacité de le voir, ni la personne qui est dans cette région la capacité de le voir, parce que c'était dans un endroit lointain. Deuxièmement, et ça, c'est un mafel waqi'i, c'est un exemple concret qui s'est passé au temps des sahabes. C'est que Abdullah ibn Abbas, si mes souvenirs sont bons, est parti au Sham. D'accord ? Il vivait à Medina. Arrivé au Sham, il n'était pas en état de jeûne, les gens du Sham étaient en état de jeûne. D'accord ? Le Sham, c'est Lubnan, Souria et cette région-là qu'on appelle le Sham. Il est arrivé là-bas, eux étaient en train de jeûner. Lui ne jeûnait pas. Ils lui ont dit, mais tu ne jeûnes pas ? Il a dit non. Ils lui ont dit pourquoi ? Il a dit, l'Emma al-Hilal, parce que nous n'avons pas vu la nouvelle lune. Et c'était le 30e jour de Sha'ban. Puis ils lui ont dit, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah. Ne vas-tu pas te contenter de la vision de Muawiyah ? Muawiyah, c'était le gouverneur. Ne vas-tu pas te contenter de la vision de Muawiyah qui était là-bas ? Abdullah ibn Abbas a dit, la non, hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit non, c'est ainsi que nous avons ordonné le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous comprenez de la parole d'Abdullah ibn Abbas? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné que si il y a deux contrées éloignées et que dans un endroit on a vu la lune, ne jeûnez pas le lendemain tant que vous ne l'avez pas vu. Et dans le cas contraire, compléter le mois 30 jours. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est l'un des prépondérants qui a été expliqué par beaucoup de grands ulama anciens et contemporains. Parmi les contemporains, Cheikh Sulayman al-Rahili, hamdahullah ta'ala, dans charge de Madame Sabine, a détaillé d'une belle façon. Non. Et il y a un audio de Cheikh Salah al-Fawzan, un audio dernièrement de Cheikh Salah al-Fawzan de 2 minutes. Pendant 30 secondes, il explique que l'avis prépondérant est le fait que chaque pays a sa vision. Et je vais vous mettre l'audio et le traduire. Il dure 1 minute 30 à peu près. Le questionnaire demande si le mois de Ramadan est avéré dans un pays musulman mais n'a pas été avéré dans un autre pays, est-ce que les musulmans ont la permission de suivre la vision qui a été observée dans cet autre pays musulman? Alors ils jeûnent avec eux. Ou bien ils doivent suivre l'assise des fatawas de leur pays. Cette question est sujette à divergence. Si la lune est vue dans un pays, est-ce que l'entièreté des pays musulmans se doivent de suivre la vision de ce seul pays ou non? Certains disent oui, et c'est l'avis de certains savants. Le deuxième avis, non. Ceci est une divergence de fuseau horaire. La pesée diverge. La lune peut être vue, la nouvelle lune peut être vue. Par tel fuseau, mais pas dans tel autre. Tout le monde chacun devra agir selon la vision de son pays. Jusqu'ici, le Cheikh Salah Al-Fawzan cite la mas'ala, tel l'enseignant. Il cite le premier avis, il cite le deuxième avis, et il cite quelques preuves avancées par certains, ou non. Par contre, si les fuseaux ne diffèrent pas, le fait que les pays sont proches, quand ça sort dans tel pays, ça sert dans tel autre aussi. Alors tout le monde devra jeûner. C'est-à-dire, ces deux ou trois pays qui sont proches et ont cela en même temps, ils devront jeûner. Si un voit, les autres aussi suivent. Car c'est le même fuseau. Par contre, si c'est différent, il dit par exemple au Hijaz, c'est pas comme au Sham. Hijaz, c'est là où il y a l'Arabie. Riyad et ainsi de suite. Non, c'est pas où il y a Riyad. C'est Mada. Al-Hijaz, Mecca et Médine. Najd, c'est tout ce qui est au-dessus de Taham. Taïr. Il dit que le fuseau qui est au Sham, c'est-à-dire Lubnan, comment est-ce qu'on dit déjà Lubnan, le Liban, la Syrie et toute cette région-là, c'est différent du fuseau qui est à Mecca et à Médine. La latitude et la longitude aussi n'est pas la même. Comme ils disent, à ce moment-là, chaque pays aura sa vision. Les gens du Sham jeûnent avec leur vision et les gens de Mecca et de Médine jeûnent avec leur vision. Ici, après 2 minutes 11, l'auteur, Al-Mutakallim, Cheikh Salah Fawzan, maintenant parle de lui. Et dit, vous savez tous maintenant que désormais, chaque pays a été morcelé. Et ce sont devenus des états ou des pays. Chaque pays a son, comme on aurait dit, son indépendance. Ça, c'est mes mots à moi. Ils sont devenus des pays. Le musulman devra jeûner avec son pays. Si son pays jeûne, du fait qu'ils se sont basés sur la vision. Entre parenthèses, pas sur le calcul. Ils se basent sur la vision de la lune. Ils jeûnent, à ce moment-là, il devra jeûner avec eux. Quelle est la preuve de cela? C'est l'un des prépondérants. Le prophète sallam a dit, Saumukum, yawmata saumum. Votre jour de jeûne est le jour où vous jeûnez. Et votre jour de, pour rompre le jeûne, où ça s'arrête, c'est le jour où vous rompez le jeûne. D'accord? Et le Eid, le deuxième jour du Hajj où il y a sacrifice, du mouton, c'est le jour où vous sacrifiez. Alors il jeûne avec son pays. Tant qu'il se base sur la vision. On s'arrête sur cela. Parole de Cheikh Salah Fawzan, Al-Allama, Al-Muwaffaq, Hafidhahullah Ta'ala, wa Hafidhallah Ulama Ahl-Sunnah, wa Waffaqahum Likulli Khayr. والله أسأل أن يبلغنا شهر رمضان ويوفقنا إلى كل خير ويسر لنا صيامه وقيامه ويتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا. نعم. On s'arrête sur cela. Juste une qissa que je voulais vous raconter de probablement d'El Qadi Iyas. J'ai oublié c'est quel parmi les prédécesseurs. Il faisait son das. Al Shuraih, un autre parmi les grands, il faisait son das, et ensuite sa mère, elle est venue au Mesdit. Elle va dire à Foulard, lève-toi, elle va nourrir les poules. Elle va donner des graines aux poules. Non. Il a dit oui, maman. S'est levé. C'est l'Allah. Il est parti obéir à sa mère. Non. Et ensuite, il est revenu, il a continué son dars. Il a continué son dars. Ça, c'est la place des parents et l'islam. Même le dars, même Qurratul Ayn, même le moment le plus plaisant pour toi, les ulama, les parents, s'ils ont un besoin, ça passe. Avant cela. Non. Ça passe avant cela. Bil jumla. Notre frère Salah Bafakar Allah nous a visité et il a une bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis quelques années, nous sommes en contact avec plusieurs frères dans différents pays d'Afrique dans le but de la propagation de l'islam, alhamdoulilah. Et parmi ces pays, il y a le Togo, où l'on a fait la connaissance d'un frère particulièrement, avec lequel on ne cesse d'être en contact jusqu'à ce moment où je vous parle. Et la cause pour laquelle on a connu ce frère, c'est qu'il nous a envoyé un mail dans le site où les cours sont diffusés, afin de demander que lui soit envoyé des CD où il y a des cours de tawhid, de aqidah. Et un frère, Jazakallah Khairan, a réuni les audios de certains cours, notamment Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, de quelqu'un que vous connaissez, qui est là. Et ces CD ont été envoyés là-bas, alhamdulillah, ils ont été écoutés jusqu'au Bénin. Les frères d'Allah Azza wa Jal, ils sont même passés à la radio là-bas. Ce frère nous a contacté récemment pour nous faire part de cette bonne nouvelle qui est la suivante. Ils ont réuni quelques frères, ils ont constitué un groupe dans le but d'aller dans les villages les plus reculés, les plus éloignés. Ils sont allés à une cinquantaine de kilomètres de la capitale qui est Lomé. Et dans le but bien sûr de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont cherché à rencontrer les chefs de village. Ils les ont rencontrés, deux. Après certaines discussions avec eux, ils ont accepté d'embrasser l'islam. Une fois qu'ils ont embrassé l'islam, ils sont retournés vers leur peuple. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des lettres aux empereurs, aux chefs de tribus pour les inviter à l'islam. Et souvent, quand des chefs de tribu embrassaient l'islam, le peuple aussi suivait. Donc c'est ce qui a été fait. Les villages ont suivi. Il faut savoir que les habitants de ces villages étaient des animistes. Et l'animiste ou l'animisme, c'est l'adoration de tout sauf Allah Azza wa Jal. L'adoration des shayatins, wal'iyadu billah. Le fait de croire que dans les arbres, il y a des âmes, dans les pierres, il y a des âmes, et que si tu as besoin de guérir ou de te soigner, tu vas à la forêt, tu demandes, wal'iyadu billah, du shirk akbar, après lequel il n'y a pas de shirk akbar. Et, subhanallah, ils se sont convertis à l'islam. Les frères leur ont rendu plusieurs fois visite, afin de leur inculquer certaines bases de l'islam, notamment la prière, les ablutions, etc. Ils ont sollicité des donateurs dans leur pays afin de construire dans chacun de ces deux villages une mosquée, petite mosquée pour chacun, pouvant accueillir une centaine de personnes. Puis ils se rendaient dans leur village pour les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala pour leur enseigner les bases de l'islam. Que s'est-il passé? Aujourd'hui nous sommes à peu près à près d'une année de leur conversion à l'islam et de la conversion du village. Et les habitants du village racontent aux frères les choses que vous allez entendre. À la base, en Afrique, on cultive beaucoup la terre. Et ces villageois avaient une terre qui n'était pas fertile. Ils ne mangeaient pas. Ils s'efforçaient de cultiver, de semer les graines, mais rien ne poussait. Et quand ils ont embrassé l'islam, les villageois témoignent que la terre a changé. Ils témoignent que la terre a changé et qu'elle produit ses fruits. Et cela n'est pas étonnant car Allah Azza wa Jalla a dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et si les habitants des villages avaient eu la foi, le tawhid et la piété, on leur aurait ouvert du ciel et de la terre la bénédiction. Au point où les villageois des villages voisins leur ont dit, que s'est-il passé? Comment ça se fait que maintenant on vous voit dans cet état? Leur comportement ont changé. Les femmes ne connaissaient ni pudeur ni rien. Aujourd'hui, la plupart portent le hijab. Les frères ont continué et ils ont pris 6 enfants, 3 enfants dans chaque village, pour les amener à la capitale, Lomé, pour les instruire, pour leur enseigner l'alphabet arabe, afin qu'ils puissent lire le Coran. Aujourd'hui, ce sont les enfants studieux. Et parmi ces élèves, il y a une fille. Cette fille a un père qui est un prêtre vaudou, un grand sahir, un grand sorcier. Ils sont allés le voir pour lui demander la permission d'emmener leur fille dans la capitale pour l'instruire. Il a refusé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime sa fille, parce qu'elle va lui manquer? Non. Il a dit, les djinns dans la forêt auxquels j'apporte des offrandes me demandent que la personne qui leur apporte soit une jeune fille vierge. Et c'est ma fille. J'en ai besoin pour ça. Ensuite, ils ont négocié avec lui. Ils sont allés voir le chef du village. Le chef du village lui a dit, laisse-la partir. Et ils lui ont donné de l'argent. Il s'est calmé, il l'a laissé. Aujourd'hui, sa fille, elle apprend jusqu'à Surat al-Shams wa Duhaha. Elle lit, elle porte le hijab, elle a complètement changé. Elle partait dans la forêt pour le shirk, elle a complètement changé. Il y a une dame aussi qui fait un témoignage. Elle dit que, parce que là-bas il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Pour aller chercher l'eau, ils entrent dans la forêt, ils vont dans les points d'eau et ils remplissent des récipients. Elle avait un récipient qu'elle prenait avec elle de plus de 20 litres, à peu près 25 litres. Elle le remplissait et à chaque fois qu'elle revenait, avant d'arriver chez elle, dans la forêt, il y avait des djinns qui rentraient en elle et qui la secouaient de partout pour faire couler son eau. Elle n'arrivait chez elle qu'avec 1 litre. Parce que les djinns, ils font ça pour les pousser à les adorer en dehors d'Allah. Si tu veux que j'arrête de t'embêter, je m'adore en dehors d'Allah, wal'iyadu billah. Je vous passe les détails. Cette dame dit, depuis que je suis entré en islam, je ne bouge plus. Je vais puiser l'eau, je reviens, l'eau est là. Que s'est-il passé? Les habitants des villages voisins sont venus dans ces villages. Parmi eux, les chefs des villages voisins, ils leur ont dit, quel est ce changement? Mais ce sont eux qui nous ont appelés à l'islam et notre vie a changé. Ils sont allés les voir et leur ont dit, et nous? Pourquoi on ne partage pas votre islam? Pourquoi vous ne nous en parlez pas? Allahu Akbar. Voilà, on dira un film, cette histoire. Ala kulli hal, aujourd'hui, ils vont entrer dans le mois de Ramadan comme vous, et ça va être leur premier mois. Leur premier mois de Ramadan qu'ils vont faire. Les frères, ils ont l'objectif de les raffermir dans la religion, mais aussi de montrer aux autres autour. De montrer aux autres autour que l'islam est une religion où il y a la vraie vie, il y a la baraka. De convaincre aussi les gens. C'est pour cette raison qu'ils ont sollicité plusieurs personnes en vain à l'intérieur de leur pays. Et là, à la dernière minute, il a pensé à nous. Donc je vous transmets cette demande de la part de votre frère. Et je le connais personnellement. Je l'ai vu. J'ai habité avec lui pendant quelques nuits à l'étranger. Walhamdulillah. Donc, c'est moi qui m'occuperai, inchallah, de lui envoyer à lui. Et il me fera un compte rendu où il y aura les photos des denrées alimentaires qu'ils vont acheter. Et là, on est aux portes du mois de Ramadan. Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à nourrir le jeûneur. Que dire alors? Comme a dit le cheikh Abdelrazzaq ibn Abdelmahsin al-Badr, Hafidhahullah, si la femme prostituée qui a abreuvé le chien, elle a donné à boire au chien, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, est entrée au paradis et s'est fait pardonner son péché, que dire alors de celui qui abreuve les gens de tawhid? Et ça, c'est le but. Barakallahu fikum. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des clés au bien et qu'il nous donne les récompenses. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu alayhi wa sallam. Shukran lakum.